Matthieu chapitre 7. Lisons le texte et ensuite je vais créer le cadre dans lequel on va faire cette conclusion. Pierre, peux-tu lire pour nous les versets 13 et 14, Manon 15 à 20, Carmen 21 à 23 et Daniel 24 à 27. Écoutons le texte. Méfiez-vous de ceux qui prétendent vous enseigner et viennent à vous déguisés en brebis inoffensives, mais qui en réalité sont des loups qui vous déchireront. De même que vous reconnaissez un arbre à ses fruits, vous les reconnaîtrez à leurs actes. Ne confondez pas la vigne avec les buissons écumeux, ni le figuier avec les chardons. C'est en regardant leurs fruits que l'on reconnaît immédiatement les divers arbres fruitiers. Une variété d'arbres qui produit des fruits délicieux n'en donnera jamais de nom comestible. Inversement, un arbre qui ne peut en produire de bon. C'est la raison pour laquelle les arbres qui portent de mauvais fruits sont coupés et jetés au feu. Ainsi, pour reconnaître un arbre ou un homme, il faut regarder les fruits qu'il porte. Ce ne sont pas tous ceux qui nous disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut ton Père qui est dans les cieux. Quand viendra le jour du jugement, on arrive après sept mois maintenant d'études dans le sermon à la conclusion. Et la conclusion comporte de façon typiquement Matthieu des contrastes. Yann a attiré notre attention la semaine passée à les différentes figures de style que Matthieu a utilisées dans le sermon, surtout les hyperboles, des exagérations, afin de vraiment attirer notre attention au cœur de l'enseignement. Mais ce matin, on va examiner trois de ces quatre contrastes dans la conclusion. Et la semaine prochaine, on va examiner de plus près le contraste que Daniel nous a lu. Les conclusions sont fascinantes. Je ne sais pas s'il y a parmi nous ce matin les gens qui ont vu le film Monsieur Lazare. Oui, oui, oui. La conclusion est fascinante. Et même, c'est une conclusion pas attendue par l'auditoire. Le sinaïste. Non. Mais il nous étonne. Je ne sais pas si vous avez un autre grand film de cette année avec une comédienne hors pair, mais le film sur Madame Thatcher, la femme de fer. Et encore, cette conclusion est étonnante. Et l'auditoire est prise en surprise par la conclusion que le cinéaste offre. Jésus fait la même chose dans le sermon. Il nous étonne. Et en quelque sorte, ça ne devrait pas nous étonner parce que une des tactiques pédagogiques, une des tactiques d'enseignement de Jésus, c'était toujours de étonner son monde. Comme par exemple, celui qui veut être le premier dans le règne des cieux devrait être le dernier. Le règne des cieux est comme... Jésus est toujours en train de nous étonner. Et dans la conclusion, il nous étonne. Et la façon qu'il nous étonne, c'est de nous faire penser. Mais de nous faire penser afin de mieux agir. Ou si vous voulez, de nous faire penser afin d'agir différemment. Le sermon, comme on a vu au mois de septembre, a commencé avec les béatitudes. Heureux, ceux. Et ensuite, il nous a donné 8 choses qui soulignent comment être, ou 8 façons d'être heureuse, d'être heureux dans son règne. Mais maintenant, il termine avec le jugement, avec des choix. Jésus ne va pas nous laisser indifférents. Mais ce jugement est fait selon les points de repère tellement clairs. Quand je suis devenu papa, il y a une belle lurette. J'ai dû apprendre quelque chose dans l'éducation des enfants. Parce que souvent, je voulais corriger, même des fois discipliner, une des filles. Et souvent, les filles m'ont dit, « Papa, c'était pas clair ce que tu voulais. » À mon avis, c'était très clair. Mais j'ai dû apprendre dans la vie que la communication n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est comprise. Et j'ai dû changer mes tactiques en tant que papa. J'ai appris des grandes leçons. Mes filles même étaient probablement les meilleures pédagogues dans ma vie. Jésus, dans la conclusion, ils mettent les points de repère très clairs. Et basé sur ces points de repère, ces standards, ces balises, ils parlent du jugement. De faire la volonté de Dieu selon Jésus et cette justice qui surpasse que nous avons examinée depuis janvier. De faire la volonté de Dieu selon Jésus et la justice qui surpasse. Cette justice exubérante qu'on a examinée, surtout dans la deuxième partie du chapitre 5 et dans le chapitre 7. Donc, le but de ces 4 conclusions est de motiver l'auditoire, de motiver le lecteur, d'agir selon ce qu'il a entendu. Nous sommes dans une société d'information. On est inondé, sinon propulsé par l'information. Et Jésus, il dirait, « So what? Why not? » Jésus va mettre devant nous ce matin dans les 3 premières conclusions et la semaine prochaine avec la dernière conclusion que ce que vous savez, ce que vous connaissez, l'information que vous accumulez, même les confessions oculaires que vous annoncez compte peu si vous ne pratiquez pas ce que vous savez. Donc, voici ce que nous allons examiner aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais commençons avec la question. Qu'est-ce qu'on a entendu? Et à vous la question ce matin. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez appris dans nos études, dans le sermon depuis le mois de septembre? Qu'est-ce qui a piqué votre curiosité? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a révolté? Daniel. Une façon d'être avec les autres. Très bien. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Le sermon met ça en avion. Oui, Gilles. OK. OK. OK. C'est bien. OK. Oui. Sandy. Si vous vous souvenez bien, on a commencé le sermon, avant le sermon, on a commencé en chapitre 7, avec les versets 17 à 25, pour souligner le principe fondamental du sermon. C'est que l'invitation précède l'impératif. Et on a essayé de suivre cette file. Si on lit le sermon comme tel, on serait motivé à dire, OK, il faut que je gagne mon ciel. Ah, il faut que je fasse tout cela. Il faut que je sois pauvre en esprit. Il faut que je sois humble, miséricordieux. Il faut que je sois le sel de la terre. Il faut que je sois une lumière dans le monde. Il faut que je prie en cibole. Il faut que je donne ma dîme aussi souvent que possible. Parce que le sermon pris en isolation nous amène à une vie de... Il faut que. Et c'est en réalité l'inverse. Parce que le sermon a commencé dans le chapitre 4, où Jésus a invité ses disciples de se repentir, de changer de vie, de changer de comportement. Et le sermon est adressé pas aux foules, mais aux disciples, aux ceux qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont vraiment décidé de changer de comportement. Ils ont accepté l'invitation. Une fois qu'ils ont accepté l'invitation, Jésus dit, voici les gens qui font partie de ma communauté. Donc, on a commencé avec les béatitudes. Et on a vu que quatre des béatitudes, les quatre premiers, touchent notre vie avec Dieu. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Car le règne des cieux leur appartient. Heureux des miséricordieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comblés. Et ensuite, quatre autres béatitudes qui touchent notre relation avec les autres. Où on a vu ceux qui cherchent la paix. Ceux qui même qui sont persécutés. Et comment Dieu prenne soin d'eux. On a vu par la suite que ces gens qui font partie de la communauté sont appelés le sel de la terre, la lumière du monde et une ville sur une colline. Et par la suite, Jésus a posé trois questions. Dans le chapitre 5, il a dit, « À la lumière de qui vous êtes, comment allez-vous lire le Torah? » Et on a vu que Jésus est le cœur pour bien comprendre le projet de Dieu. Il n'est pas question de l'encre blanche sur les pages blanches. Et il n'est pas simplement de chercher la lettre du Torah, de la loi, et de l'obéir, mais d'aller au-delà et de suivre Jésus. Et les six antithèses qu'on a vues touchent notre relation avec les gens. La deuxième question, Jésus a dit, qui est votre auditoire? Et c'est là où il a parlé de nos dons, la prière et le jeûne. Pour dire finalement, si vous voulez être vraiment un disciple, allez et faites vos dons en cachette, priez avec Dieu en privé, et en même temps, c'est pas moi, Michael. Et troisièmement, il a dit que votre jeûne ne soit pas fait dans les grandes places publiques. Donc, comment allons-nous lire le télétexte? Centré sur Jésus. Qui est notre auditoire? Dieu seul. Et finalement, comment allons-nous gérer nos biens, nos possessions? Et Jésus a dit, cherchez d'abord le règne des cieux. Et finalement, on a terminé les deux dernières semaines avec la question du discernement et aussi le jugement. Pour ainsi dire, qui va être le numéro un dans sa vie? Est-ce que ça va être Dieu ou est-ce que ça va être nous-mêmes? Donc, voici ce qu'on a survolé. Maintenant, on arrive avec les trois contrastes, les trois des premières quatre contrastes. Et évidemment, s'il y a un contraste, ça veut dire que Jésus sème une question. Et la première contraste, j'étais un peu attiraillé. Est-ce que c'est un contraste de deux portes? Est-ce que c'est un contraste de deux chemins? Est-ce que c'est un contraste de deux destinées? Donc, dans mes notes, j'ai dit le premier contraste est un contraste entre la sélection ou le choix de deux portes, deux chemins et deux destinées. C'est le texte que Pierre nous a lu, où Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite. » Pour ainsi dire, la première question c'est, comment choisir? Maintenant, n'importe quel juif qui aurait entendu Jésus à ce moment ici aurait eu des échos de l'Ancien Testament. Surtout Jérémie, parce que pour Matthieu, son prophète préféré, le prophète préféré de Matthieu, c'était Jérémie. Il le cite assez souvent. Mais voici ce que que Jérémie a dit. Puis tu diras à ce peuple, voici ce que déclare l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Vous voyez les échos? Mais peut-être l'écho le plus puissant pour les Juifs, c'était la façon que Moïse a terminé son discours en Deutéronome. Je vais juste lire quelques extraits. Moïse convoqua Moïse accompagnait les responsables d'Israël et il donnait au peuple les ordres suivants. Si vous écoutez attentivement la parole de Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous pour devenir les premières de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions que Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Ensuite, il continue. Et il dit, par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelle malédiction fondera sur vous. Si vous ne m'écoutez pas, l'Éternel vous envoyez en exil. Et ensuite, Moïse a terminé son discours. Moi, je rigole chaque fois que je lis Deutéronome. Vous vous souvenez, Moïse, pendant qu'il était dans le désert, quel était son discours envers Dieu? Oh, je suis un homme avec peu de paroles, j'ai une langue qui tord toujours les phrases. Non, je ne peux pas parler. Et après l'exil, et on arrive à Deutéronome, on ne peut pas le faire taire. Il parle pendant 35 chapitres. C'est pas possible. Mais voici comment il a terminé son discours. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur. De l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de le suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et de lui obéir et de lui rester attaché. Pour ainsi dire, n'importe quel Juif qui aurait entendu Jésus aurait eu les échos de Jérémie et les échos de l'Ancien Testament et surtout le discours de Moïse pour dire, oui, c'est vrai. Dieu a mis toujours devant vous un choix. Et maintenant, Jésus dit, comment choisir? Maintenant, un Juif, en écoutant Jésus, aurait dit, c'est vrai. 90% de nous, le peuple dit élu de Dieu, nous nous trouvons en exil. Nous nous trouvons hors de Palestine. Ça veut dire que Moïse avait raison, que Jérémie avait raison. Si on obéit à Dieu, on va s'épanouir dans le pays. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous allons nous trouver en exil. Et où trouvons-nous aujourd'hui? En exil. On n'a pas bien choisi. Mais comme nous avons vu dans le sermon, Jésus est la clé du Torah. Jésus est la clé du projet de Dieu. Tout tourne maintenant autour de ce Juif fidèle, cet Israël fidèle qui a assumé l'exil, qui a assumé tout le péché. Et maintenant, il met le choix devant son peuple. Il dit, comment choisir? Et il dit, vous avez le choix entre deux portes, deux chemins, deux destinées. Et avec cette première conclusion, Jésus nous ramène à ce qu'on a vu concernant cette justice exubérante, cette justice qui surpasse, et de la trouver pas dans la lettre stérile du projet, pas dans cette interprétation ultra compliquée des pharisiens, mais de le trouver en Jésus. Donc la première conclusion, où Jésus met devant nous la question « Comment choisir ?» La réponse, c'est « Allons-nous choisir Jésus ? Oui ou non ?» Ça, c'est la première conclusion. Mais il nous ramène dans le sermon, où Jésus était le cœur du sermon. Maintenant, le deuxième, les deux arbres. Et ça, c'est le texte que Manon nous a lu. Et maintenant, la question, c'est, qui allez-vous écouter? Parce que avec le choix des deux arbres, cette contraste est incarné dans des vrais et des faux prophètes. Les gens avec des grands discours. Et Jésus voulait mettre devant son auditoire, surtout ses disciples, le principe que lorsque vous choisissez Jésus, qui allez-vous écouter? Allez-vous écouter les faux prophètes ou les vrais prophètes? Les vrais enseignants ou les faux enseignants? Les vrais disciples ou les faux disciples? Et la question c'est, qui allez-vous écouter? Et encore, un bon juif aurait été ramené encore dans l'Ancien Testament. Probablement le psaume premier, où David l'avait tellement bien dit. Heureux, une autre béatitude, la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il le met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait réussit. Pour ainsi dire, un juif, en écoutant toute cette question de l'arbre, aurait dit, oui, on a le choix. Est-ce qu'on va être comme une arbre planté près d'un courant d'eau ou allons-nous être un faux arbre? Et le contraste que Jésus donne est tellement évident. On peut le contextualiser. Un pommier ne peut pas porter des bananes. Un rose ne va porter les feuilles en ciment. Pour ainsi dire, un arbre, une fleur, va porter ce qui est conforme à son code génétique. Et Jésus dit, qui allez-vous écouter? Maintenant, il y a tout un débat. À qui fait référence Jésus ici sur les faux prophètes? Il s'agit probablement des pharisiens qui avaient vraiment tordu le Torah pour leur propre fin. Mais je pense qu'on est mieux probablement de l'interprétation de façon générique, de façon générale, de façon comme c'est évident. Un pommier va porter des pommes. Et il nous invite de vraiment dire, qui allons-nous écouter? Un arbre qui porte du mauvais fruit, un arbre qui porte du vrai fruit. Et comment savoir? Regardez ce que Jésus dit dans le texte. Vous reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons ou des épines sur des figues, sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits, un mauvais arbre porte un produit de mauvais fruits. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Et comment est-ce qu'on reconnaît un bon arbre? Par ses actions, par ce que cette personne porte. Pour ainsi dire, les actions manifestent la vraie vie. C'est ça que Jésus dit. Donc, à la question « Qui allez-vous écouter ?» et il y a le choix entre les arbres, la question qui est devant l'auditoire, c'est « On va juger selon les actions, selon ce que la personne porte comme fruit dans sa vie. » Maintenant, nous tous, nous avons des exemples, des personnes qui ont essayé d'exercer une influence dans nos vies, qui étaient des modèles, des exemples. Peut-être même on a utilisé le mot « mentor » pour eux, pas « menteur », mais « mentor ». Et on a vu que leur vie manifestait le fruit de l'Évangile. Et nous tous, nous avons aussi des exemples, des personnes qui ont essayé de nous influencer, qui ont porté un enseignement, et à un moment donné, c'est devenu crush. Et on a dit, oh boy! Et on pose la question que Jésus veut qu'on pose. Qui allons-nous écouter? Et je pense qu'il est important pour nous ici, dans notre communauté, de toujours dire, est-ce que ce qui est enseigné, ce qui est vécu, ce qui est exhorté, est-ce que ça reflète dans la vie de la personne qui parle? Jacques a développé cette idée de Jésus davantage. Et Jacques, en Jacques chapitre 3, a parlé de la nécessité de contrôler la muscle la plus forte, selon mes amis médecins, dans notre corps. La langue. Chapitre 3 et le verset 1er. Mais qu'est-ce qu'ils discutent dans les versets 2 à 12? Les enseignants dans la communauté. Pour ainsi dire, qui est la langue dans la communauté? Les enseignants, les dirigeants. Et on va juger ces dirigeants par le fruit qu'ils portent dans leur vie. Donc, mes amis, c'est une confiance énorme que vous nous prêtez de nous écouter. Ce n'est pas un droit. Ce n'est même pas simplement une responsabilité. C'est une confiance. Et devant ce deuxième contraste, Jésus dit, « Qui allez-vous écouter? » Écoutez ceux où le fruit de leur vie manifeste un alignement étroit avec ce que Jésus a enseigné. Donc, le premier contraste, comment choisir? Le deuxième contraste, qui allez-vous écouter? Le troisième contraste, maintenant, il y a deux discours. Il y a des gens qui disent, Seigneur, Seigneur, et regardez ce qu'on a fait. Regardez le verset 22. Maintenant, on est dans le texte, le troisième contraste. Nous avons annoncé des messages de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et que Jésus, que dit Jésus? So what? Mes amis, avec le troisième contraste, la question c'est, qui allez-vous suivre? Premier contraste, comment choisir? Le deuxième contraste, qui allez-vous écouter? Le troisième contraste, qui allez-vous suivre? Et Jésus met en évidence ici que ce n'est pas simplement la confession, la proclamation. Même les grands discours, même des grands miracles qui comptent. Ce qui compte, c'est que nous faisons les choses selon la volonté de Dieu. Qu'on agit d'une façon conforme à sa révélation. La Bible est très claire qu'il faut exercer du discernement. On l'a vu dans les deux messages que Yann nous a partagés récemment. De suivre Jésus n'est pas de marcher à l'aveuglette, mais d'exercer par la puissance de l'Esprit le discernement. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont prétendu de faire des miracles. Pendant notre séjour en Haïti, Sandy et moi avons rencontré beaucoup de personnes qui ont parlé des exorcismes. Même j'ai rencontré un homme une fois qui m'a dit, « J'ai finalement exorcé le démon sur Haïti, le voodoo est banni du pays. » Même, nous rencontrons les gens des fois qui ont parlé de leurs miracles. Mais encore, avec le deuxième contraste, ce qui est au cœur du troisième contraste, c'est la même chose. Ce n'est pas les grands discours qui comptent. Mais est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? La chose qui m'attriste avec le Seigneur, Seigneur, avec les exorcismes, avec les miracles, avec les grands exploits, c'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les gens avec ces grands discours, et nos amis africains peuvent nous en parler longuement, ce qui est arrivé, c'est un évangile de prospérité, où les gens font ces choses pour leur propre gain personnel. Et mes amis, ces choses se trouvent maintenant à Montréal. Et nous avons des assemblées qui disent, « Hey, si vous suivez Jésus, vous allez devenir riche. Et pour le montrer, prêtez-nous votre argent, Dieu va le multiplier. » Ça, c'est de ne pas utiliser le discernement. C'est d'aller à l'encontre de l'Évangile, qui est un Évangile, pas de triomphalisme, mais un Évangile de suivance. Même des fois la persécution. Pourquoi? Parce que c'est ça que Jésus a fait. Lui qui était riche, selon Paul en 2 Corinthiens, chapitre 9, est devenu pauvre. Lui, comme Paul a dit en Philippiens, était dans les cieux et qui avait tous les droits, en tant que partie intégrale de la Trinité, de garder, même le texte dit, de saisir son droit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu un homme. Et pas simplement n'importe quel homme, mais un esclave. Et pas n'importe quel esclave, mais un esclave qui est mort d'une façon la plus horrible d'un juif, de mourir sur une croix. Donc, mes amis, il n'est pas simplement question de dire « Seigneur, Seigneur », mais de faire ce que Dieu demande. J'ai des amis à la radio chrétienne, à l'autre côté de la ligne, au Champlain, au New York. Et autrefois, ils avaient une devise. La devise était comme ceci, un peu leur mantra, leur petit slogan en tant que radio chrétienne. Ça disait, « Juste écouter peut changer votre vie. » Et moi, je les ai accusés d'hérésie. Juste écouter la radio chrétienne, juste écouter les messages de dimanche matin ne va changer absolument rien dans votre vie. Qu'est-ce qui change la vie? Lorsqu'on prend ce qu'on a entendu et on l'applique dans nos vies. L'action. Donc, comment choisir? Jésus. Qui allez-vous écouter? Ceux qui portent du fruit. Alignés avec Jésus. Qui allez-vous suivre? Ceux qui ne donnent pas des grands discours, simplement. De ne pas simplement confesser des choses, mais dans votre confession, de faire ce que Dieu veut. De façon typiquement, Jésus, fascinamment, le pédagogue qu'il était, il n'a pas forcé la note. Il n'a même pas dit, « Matthieu, quelle est ta décision ?» Pierre, que penses-tu? Marie, choisis. Jean, vite, quelle est ta décision? Non, il a mis les points de repère clairs. Pour ainsi dire, si mes filles m'ont dit, papa, les instructions n'étaient pas claires. Papa, c'était pas évident. Moi, j'ai dû changer mon tir. Moi, j'ai dû apprendre. Mais pour Jésus, les points de repère sont clairs. Qui m'amène à ceci? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Michel a préparé un petit schéma. Et depuis quelques mois, Denise, Lynn, Michel et moi, nous avons lu un article sur l'Église, sur des Églises. Ça faisait partie de notre apprentissage, de notre propre formation en tant que comité de dirigeants. Et nous avons pris cet article et on l'a adapté pour mieux comprendre qui on est en tant qu'Église. Donc, vas-y, Daniel. Donc, traditionnellement, une Église se comprend dans son contexte. Il y a la communauté, que ce soit Hochelaga, que ce soit juste les gens qui viennent le dimanche matin, et il y a un noyau. Une façon typiquement traditionnelle de comprendre une Église. Mais nous avons décidé de penser autrement. OK, prochaine dia. Il est évident, dans une lecture du sermon, que le but n'est pas l'Église. Le sermon l'a bien dit. Le but des disciples, c'est le règne de Dieu. Et le peuple de Dieu, les pèlerins, se trouve en route vers le règne de Dieu. Et on a dit que nous voulons avoir une certaine direction en tant que communauté ecclésiale. Donc, comment y penser? Okay. On a dit que nous voulons être une congrégation, une église locale, mais unie. Et pour cette raison, en tant que communauté, on a choisi certaines valeurs. À la fin du culte, si vous voulez prendre le document, il est ici, à côté ou en arrière. Et on a dit, nous voulons être une communauté accueillante, ouverte, inclusion, une solidarité avec la communauté, le respect, l'authenticité, on veut exercer la liberté. On a dit, n'importe qui se trouve en chemin est accueilli chez nous. Voici l'accueil que nous voulons pratiquer. Mais le sermon nous pousse à une autre étape. Et surtout avec la conclusion. Donc, vas-y, Daniel. Qu'il y a à l'intérieur de la congrégation, si vous voulez, selon le schéma, selon le bien, il y a une communauté qui est engagée et unie. Tout le monde est accueilli. Nos portes sont ouvertes. Mais en écoutant le texte, en écoutant l'esprit, qu'est-ce qui fait que nous soyons les gens à l'intérieur de la congrégation qui visent l'accomplissement du règne de Dieu? Pour ainsi dire, Jésus n'a pas simplement nous appelé d'être les chrétiens, les nés de nouveau. Jésus nous a appelés d'être des disciples, de le suivre. Donc, continuez. Et il faut que le tout soit compris dans notre contexte québécois, montréalais et surtout Hochelaga. Et en lisant et en discutant cet article avec Denise et Lynn et Michel, et en étudiant le sermon, j'ai dit oui, comment être une communauté accueillante, mais en même temps de toujours inviter des gens de suivre Jésus et d'être conséquent dans ce qu'on entend. Et ce matin, dans ce contexte, Dieu, par son esprit dans les textes, nous dit, comment choisir? Qui allez-vous écouter? Qui allez-vous suivre? Et le sermon, lorsqu'on arrive ici à la conclusion, l'Esprit nous lance le défi. Sommes-nous sérieux dans notre désir de bien choisir, de bien écouter, et de bien écouter par le fruit dans la vie des gens, et de bien suivre, pas en parole seulement, mais de faire tout ce que Dieu veut. Et ce texte, ce matin, nous oblige de relire le sermon et de dire, OK, l'invitation précède l'impératif. Maintenant, comment vais-je être sérieux dans mes choix, dans mon écoute et dans ma suivance? La semaine prochaine, qui est la fête des Rameaux, le dimanche après Pâques, avant Pâques. Et on va examiner le quatrième, qui, à mon avis, est la conclusion des conclusions. Et Jésus va mettre une autre contraste. Et c'est deux maisons. Donc, vous voyez, deux portes, deux arbres, deux discours, et maintenant deux maisons. Et la question, la semaine prochaine, c'est, et où allez-vous bâtir? Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, on a eu un temps de partage au début. Et j'ai pensé que ça serait bien ce matin. De prendre deux minutes et juste de mijoter le texte. Parce que comme n'importe quel contraste, il faut à un moment donné, il faut me poser la question. Glenn, et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, prenons juste deux minutes de réflexion personnelle. Seigneur, merci pour mes sœurs et mes frères présents ce matin. Merci pour ton esprit qui nous pousse d'être sérieux et conséquents dans notre écoute de Jésus et dans notre lecture des textes. Et Seigneur, nous voulons être un peuple qui te choisit, qui t'écoute et qui te suive. Au nom de Jésus. Amen. Juste en conclusion, l'utilité de ce schéma va nous aider dimanche prochain pour notre réunion annuelle. Les lois de l'incorporation au Canada pour les sociétés à but non lucratif comme l'Église chrétienne de Roi des Rois nous obligent de nous réinscrire en tant qu'OSBL. Le gouvernement ne nous a pas visé en tant qu'Église chrétienne de Roi des Rois. Tous les 70 000 organisations sans but lucratif au Canada sont obligées de réinscrire. Ce qui veut dire qu'il faut que nous soyons très clairs sur qui fait partie de la corporation de l'Église. Et l'Église, vous nous avez demandé en tant que comité de dirigeants de clarifier qu'est-ce que ça veut dire d'être membre à l'Église chrétienne de Roi des Rois. Donc, ce schéma nous aide de clarifier, évidemment, ici, la congrégation. Ça, on a déjà décidé. On veut être une communauté accueillante. Et ça ne va pas changer. Mais lorsqu'on arrive pour parler, mais qui va faire partie de cette corporation, qui va faire partie de ceux et celles qui suivent Jésus? Comment allons-nous définir cela? Donc, voici une partie de ce que nous allons discuter dimanche prochain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas organisationnel, c'est communautaire. Bon dimanche!